La vie du Caravage en bande dessinée, la première partie est déjà disponible. Une première partie qui a pour titre La palette et l'épée. Bonjour Milo Manara. Bonjour. Alors je vous ai demandé de dresser votre autoportrait qu'on va retrouver à la page de l'émission Notre jour est possible en passant par franceculture.fr à la manière du Caravage. Première question, est-ce que c'est un exercice difficile pour vous, l'autoportrait? Oui, je l'ai jamais fait. C'est la première fois que je me dessine, en réalité. C'est pas facile, mais je vais essayer quand même. Et à la manière du Caravage, attention. À la manière du Caravage, après, j'ajouterai beaucoup de ombres. Donc, ça, c'est le caravagisme. Ouais. Alors, d'où est venue l'idée d'adapter la vie du Caravage en bande dessinée? Mais c'est parce que la vie de Caravage est déjà une vie de bande dessinée, en fait. Il a eu une vie très aventureuse, très picaresque. Il était un homme d'action avant qu'un peintre. Donc, c'est très adapté à être raconté en bande dessinée, en effet. Alors, vous le faites très bien, mais il y a justement ce défi, c'est-à-dire de représenter l'étoile du Caravage. Comment avez-vous travaillé sur ça, Milo Manara? Je l'ai redessiné à la main, comme ça, sans la reproduction mécanique. Et c'était une chose très émouvante, parce que je savais que de faire exactement le même geste qu'il a fait le maître. Donc, pour moi, c'était vraiment un parcours dans l'histoire, une façon aussi pour être plus proche à les peintres, à Caravage. Est-ce que vous avez travaillé sur de la documentation, ou est-ce que vous avez laissé aussi votre imagination faire son chemin et imaginer, vous, avec les informations que vous aviez, mais aussi avec votre imagination, ce Rome particulier, le Rome des bas-fonds du baroque, pour reprendre l'intitulé d'une exposition consacrée en ce moment au caravagesque? Et il y a beaucoup de gravures de l'époque, il y a Piranèse, il y a des autres vases, il y a beaucoup de gravures, donc on a beaucoup de documentation sur les périodes baroques et après aussi. Et donc j'utilisais beaucoup de dessins, mais aussi j'ai voulu un peu laisser un certain côté à l'imagination, parce que c'est plus fascinant, c'est plus charmant, quoi, de rêver un peu la ville plutôt que la reproduire exactement comme ça. Donc, j'ai choisi quand même les gravures de Piranèse, comme déjà Piranèse réinterprète la réalité. C'est pas une vraie reproduction. Et comment vous avez découvert l'art avant d'arriver à la bande dessinée, puisque apparemment le Caravage, c'est aussi une manière pour vous de rendre hommage à un peintre qui a beaucoup compté pour vous? Ah oui, bien sûr. Bon, je l'ai découvert sur un livre de catéchisme. Quand j'étais gamin, on était obligé à étudier les catéchismes, etc. Et là, il y avait des illustrations. Et je me rappelle très très bien la crucifixion de Saint-Pierre. Là, il m'a vraiment choqué, c'est une image très forte. Et à l'époque, je croyais que c'était une photo. Mais on m'a expliqué qu'à l'époque, il n'y avait pas de photo. Donc, mais il y a un réalisme, une force dans cette image. Et après, j'ai toujours essayé de découvrir quelque chose de ce peintre. Après, quand j'ai fait le lycée artistique, à l'examen final, dans l'oral de l'histoire de l'art, ils m'ont demandé Caravage. Et donc, j'ai eu la chance de passer très bien, parce que j'adorais Caravage. On vous a demandé quoi sur le Caravage? D'en parler? Alors, oui, dans la couverture du livre de l'histoire de l'art, il y avait le très connu tableau de Caravage. On m'a dit, parle-moi de ça. Et donc, j'ai commencé à parler surtout de l'aspect révolutionnaire de l'art de Caravage. Il organisait ses tableaux avec des modèles, des vrais modèles physiques, des personnes. comme des comédiens, quoi. Et donc, il faisait pas de dessins préparatoires, mais il organisait la composition avec les modèles. Oui, d'ailleurs, l'histoire du Caravage, telle que vous la racontez dans votre bande dessinée, Milo Manara, c'est ses rapports avec ses modèles. Pour vous, c'est très important. C'est au centre du dispositif, beaucoup plus que ses relations avec l'Église, par exemple. C'est vrai. Il vivait dans la rue, comme ça, dans les tavernes, dans les bordels. Il était quelqu'un qui, vraiment, il a vécu dans les peuples. Avec son épée, il était tout à fait prêt à en découdre à la première occasion, ouais. Oui, c'était un peu un voyou aussi, Caravage. Et donc, il a aimé vraiment ses modèles et son modèle masculin et féminin. C'était vraiment des copains, des copines à lui. Et aussi, après la mort d'une de ses modèles, il a peigné pour la dernière fois morte. C'est un tableau... Tout à la fois révolutionnaire et qui a créé le scandale à l'époque. Eh oui, parce que c'était la Vierge, donc utiliser une pute comme modèle pour la Vierge, c'était quelque chose de très scandaleux. En plus, le tableau, c'est hérétique. Parce que pour l'Église, la Vierge, il n'est pas mort, mais il a changé de dimension, de la dimension terrestre à la dimension céleste, alors que la Vierge de Caravage, il est mort, sans possibilité de changer de dimension. Et c'est un très beau tableau, et si vous voulez savoir pourquoi ce tableau du Caravage a échappé à la destruction, et ben c'est raconté, c'est très très bien raconté dans votre bande dessinée. Ça se rapproche vraiment du réel, hein. C'est-à-dire que Milo Manara, avec votre réputation sulfureuse, avec votre avec votre célébrité à travers vos bandes dessinées, on aurait pu s'attendre à ce que vous jouiez beaucoup plus sur les ambiguïtés sexuelles du Caravage. Ce n'est pas le cas d'ailleurs. Non, je crois qu'il y aura plus d'espace pour ça dans le deuxième chapitre. Qui va venir ? Oui, mais dans ce premier tome, je préférais... C'est-à-dire son arrivée à Rome, comment il va être consacré, et ça s'arrête au fait divers quand il va assassiner quelqu'un et qu'il sera obligé de quitter Rome. Ouais. Oui, oui. Et donc, je préférais de donner la plus d'importance à le peintre. Comme je crois que sa sensualité, son érotisme, enfin, s'exprimait plutôt dans les tableaux plutôt que dans les rapports personnels. Je crois qu'il sublimait vraiment la sensualité dans son art plutôt qu'il la consommait. Parce qu'on n'a pas d'informations sur la sexualité de Caravage. Et, par contre, on sait beaucoup de sa vie parce qu'il y a beaucoup de rapports de police. C'est-à-dire qu'on a une seule biographie très très courte de quelqu'un qui l'a connu. C'était son collègue Giovanni Baglione qui a écrit la vie de Caravage. Mais c'est très très court. Il était aussi un rival de Caravage, même si après la mort de Caravage, il a commencé à peigner comme Caravage, mais quand il était en vie, c'était un rival. Et donc, la plupart des choses qu'on connaît de Caravage, on la connaît à travers les rapports de police, parce qu'il a été arrêté beaucoup de fois, il était quelqu'un qui très violent aussi, un caractère très, très violent. Et donc, il y a seulement une accusation d'homosexualité formulée par Giovanni Baglione. Mais comme l'homosexualité, à l'époque, il était puni d'une façon très sévère, Caravage n'a jamais eu de conséquences de ça, donc... En général, les historiens des arts ne sont pas d'accord sur la homosexualité de Caravage. C'est vrai qu'il a peigné beaucoup de nus masculins, Caravage, mais sous ordination. Donc, je préférais rester un peu dans l'ambiguïté. Enfin, vous restez dans l'ambiguïté, mais quand vous dessinez les modèles féminins du Caravage, là, on retrouve votre style, Milio Manara, c'est-à-dire cette manière aussi de sublimer le corps de la femme, ça c'est présent. Mais ce qui est très très nouveau, c'est quand même ces couleurs. Et je suppose que vous vous êtes inspiré de l'univers du Caravage, parce qu'on reste dans ce fameux clair-obscur du Caravage. Oui, bien sûr. La palette de Caravage, elle était très, très limitée. Et pour un choix qu'il a fait. Les premiers tableaux sont un peu différents. On voit qu'il a regardé à la peinture vénitienne, mais pendant sa maturité... Et on voit qu'il a réduit les couleurs très très peu. Il a les couleurs de la chair et quelques panneaux rouges, quelques petits peu de blanc et les noirs, la ténèbre, surtout les noirs. Il préparait la toile avec noir. Et moi, j'essayais de respecter le plus possible la palette de Caravage dans toute l'histoire. Le Caravage nous apparaît finalement comme une figure à la fois héroïque et désespérée. C'est ce que pense, il a bien raison, l'historien de l'art Claudio Strinati qui signe l'avant-propos de votre bande dessinée Milo Manara, le Caravage, édité chez Glénat. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Et puis merci aussi pour l'autoportrait qu'on peut retrouver à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. J'espère que ça n'a pas été un exercice très dur. C'est vraiment difficile. Oui. Milo Manara, avant de vous dire au revoir, juste une question. La semaine prochaine, on va parler du Corbusier que vous connaissez. Ah oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le Corbusier ? Ouais. Oh bon, c'était mon amour aussi. J'ai connu. Bon, je l'ai vu parce qu'il était à Venise. Il a fait une leçon à l'université de Venise et moi, j'étais étudiant d'architecture à l'époque. Donc, comme il était chargé de dessiner l'hôpital de Venise. Après, ils ont changé le projet, etc. Mais quand même, Monsieur Le Corbusier, je l'ai vu, oui, tout habillé en bleu, comme ça, avec son papillon. Ouais. C'était quelqu'un de formidable. Mais je vais souvent voir Rochamp, La Chapelle, etc. Je l'adore, Le Corbusier. Alors, est-ce que vous connaissez les faces cachées du Corbusier ? Non ? Sinon, je vous recommande soit d'écouter Un autre jour est possible la semaine prochaine, soit de lire l'excellent ouvrage de François Chalin, édité au Seuil. D'ailleurs, c'est François Chalin qui sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler des faces cachées du Corbusier. Merci, Milo Manara. Bonne journée. Merci à vous, merci à vous. On vous souhaite tous de passer un bon week-end, tous et toute l'équipe de l'émission. Semanina, Anthony Thomasson à la réalisation, Sarah Lazès et Henri Leblanc pour la coordination. Bon week-end, à lundi.